putain la batterie. Je vous la mets et je joue pas. Je vais muter la piste guitare, comme ça je peux jouer en même temps. On entend pas ma guitare là. cherche où est-ce qu'il est le passage. Cherche le passage. Pas terrible dans l'eau. Thank you. me trompe d'accord. Je me trompe d'accord en fait. Je me suis trompé d'accord. 2, 3, 4. Truc dans thank you. personne.